formidable. Oh, formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. Vous m'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Ça va ce travail? Ça va. T'es un peu fatigué ou quoi? Ouais. Je suis un grand fan. Hein. Merci beaucoup. Je tenais à te le dire. Et t'as eu une soirée agitée ou quoi? Un peu, ouais. Ouais, t'es déglingué là. T'inquiète, ouais, un peu quand même, ouais. J'ai besoin de... Ouais. Ouais, ouais. Tu veux qu'on te dépose chez toi? Non, ça va, ça ira, ça ira. Ok, ça va. Ça va? Allez, courage. Hein. Hé, hey, petite, oh, pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah, reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Thibaudot, est-ce qu'on peut continuer ici et puis lire un petit poème de Rénald? Main. Main. Main. OK. Ouais. C'est... On a déjà commencé. Ouais. On sera... Okay. On va prendre un petit... Merci. Pas de... Non, c'est... Voilà. Ah, alors après ça va bien, madame. Oui, les chaises sont confortables. Mais oui, j'avais demandé un endosseur. Un endosseur? Comment ça, vous avez un chèque à faire passer? Non, non. Non, un endosseur, mon dos me fait mal. Madame, là. Votre dos vous fait mal et vous demandez un endosseur. Ben oui, celui qui pourrait m'aider à, à remettre le tout en ordre. Oh mon Dieu, Seigneur. Il faut que je vous raconte, Madame Thibodeau, il y a 3 semaines. Non, il faut d'une manière temporelle, il faut placer l'événement. Sinon, le public est perdu. Là. Et c'est quand, là, il y a 20 ans, 50 ans, 10 ans, 2 ans, 1 heure. Là. J'avais une heure pour les yeux d'une femme. Une heure d'amour faisait battre de mon cœur. Les gens la connaissent, ils vont la chanter, la fredonner avec toi. Oh, il y a des petites cochonneries. Oui. Alors, on laisse faire les minutes, puis on y va avec le texte. Ah oh, oui, c'est vrai, nous avons un poème de Rénal. C'est moi. Rénal Gagné. C'est moi. D'accord, tu es... Je suis. Bon, OK, vas-y. L'automne. L'automne, ça, c'est la peur. Parce que c'est la première lecture. En fait, en vérité. En vérité. En vérité, je vous le dis, n'écoutez pas cet impoli. Il cherche à capter votre attention. Ce n'est qu'un petit fanfaron. Oh! Qu'est-ce qui se passe? C'est un serpent sonnette. Mais voyons donc, toi, à Québec. Écoute. Je peux pas le dire, là, mais j'arrive du Nebraska. Du Nebraska? Oui, pour rencontrer un groupe tellement underground. OK. Tellement underground. C'est en tournée. On est du public. Nebraska n'est rien. N'est qu'un titre, quand même, pour M. Bruce Pristine. Christine, Julian Cope, Julian, hein? C'est Christine, bravo. Ah, Nebraska, non, mais quand on essaie de trouver quelque chose qui se rattache, parce que rapidement, l'être humain veut se sentir. Moi, je suis comme un quadrupède. Il faut que je chante le derrière de l'autre. Oh, oui. Madame Thibodeau. Avant-hier, m'a fait contacter. Oh! L'autre de là, non, la police. Pourquoi? Mais parce qu'elle voulait porter plainte. Alors, elle t'a demandé d'appeler la police pour qu'elle porte plainte contre toi. Exactement. Et puis? Oui, j'ai appelé la police et mes copains. J'ai dit, hey, les gars, j'ai une pizza extra large. J'ai une femme extraordinaire. Oh! Qu'est-ce que t'allais dire? Extraordinaire. Formidable. Formidable, elle était formidable, j'étais formidable. OK, et puis, ils sont venus. Hey, 40 voitures, ça veut dire 80 individus et individus, parce qu'il y a des femmes et des hommes. Bzz, bzz, bzz, bzz, bzz, bzz. Des YMCA, des capitaines créoles, des Alatutobuktu et des Jennifer Lopez. Oh, oh, oh, oh. Quelques Jennifer Lopez. Et on peut pas les nommer. Julie Thibodeau. Qui? Julie Thibodeau. Elle est policière? Très policière. Elle est très, très, très policière. Et quand elle te met les menottes, là, tu en redemandes. Voyons donc. Hey, ce qui m'a fait rigoler il y a quelques jours, c'est que on m'a demandé de faire une collaboration bon, à CKRL pour une émission. Puis l'autre qui connaît ce que je fais à travers les autres, elle ne m'a jamais écouté. Quoique si oui, elle est très intimidée. Elle m'a dit, hey, ce que je présente, là, c'est pour tout le monde. Là, hein? Donc, c'est un public tout à fait disparate d'âge et de sexe. Non, disparate de sexe, c'est un mâle ou une femelle. Ah non, non, non, non, Madame Thibodeau m'a dit, non, aujourd'hui en 2013, c'est plus vrai. Non, il n'y a pas juste des hommes, des femmes. Il y a des hommes-hommes, il y a des hommes-femmes, il y a des femmes-hommes, il y a des femmes-femmes. Il y a des femmes qui aiment les hommes qui aiment les femmes qui aiment les hommes, hommes, femmes, femmes, femmes, femmes, femmes, femmes, femmes, femmes, femmes, femmes, femmes, femmes, femmes, femmes, femmes, femmes, femmes, femmes, femmes, femmes, femmes, il y a quand même, à l'origine, deux sexes. Simplement deux sexes. Quoi? Quoi qu'à la naissance, il n'y en a qu'un ou deux. Ben oui, ah ouais. Ah oui. Donc, ils réfléchissent en femmes, mais ils sont des hommes. Oui. Il y a des femmes qui réfléchissent en hommes, puis sont... Ça, j'ai des enzymes, des enzymes. Ils ont-ils des enzymes, les enzymes? Ben, non. Non, ben non, plus maintenant. Mais anciennement, ça, c'était en 1972, là. Anciennement, quand ils faisaient ça à la bonne franquette. Aujourd'hui, c'est en laboratoire. Fait que tu peux pas faire des approximations, là. C'est soit des hommes ou des femmes. Des hommes ou des femmes. C'est pas entre eux. Quoique ceux qui sont entre eux se tiennent entre eux. Hein? C'est-tu clair? Non, pas du tout. Même, j'ai demandé à Thierry Baudouin de me raconter tout ça dans ma langue d'origine. C'est le français, ta langue d'origine? Ben non, pas. Ben ça dépend quand. Le vendredi, moi, c'est en Toubouctois. En quoi? En Toubouctois. En Toubouctois. Ben oui, t'as jamais connu la nouvelle langue imaginaire rénaldienne? Oh, ça, là, ça me paraît extrêmement farfelu. Non, non, non, attends, nous avons quand même un cliché sonore. Hey, un cliché, là, c'est photographique. Alors, peut-être on a une observation sonore, on a une captation sonore, on a une audition, non pas sonore parce que c'est comme reculer en arrière, c'est une redondance ou non, c'est quoi? C'est une sale tropette, une sale tropette. Quoique une sale tropette, c'est avec 3P ou 2T? C'est 2P, 3T. Bon, OK, alors donc, c'est quoi? Est-ce qu'on peut y parler? Comment il s'appelle? C'est Régent du Charme. Régent du Charme, pas le... Non, non, non, l'autre Régent. L'autre Régent. L'autre Régent, comment ça va? OK. Là, tu écoutes l'émission depuis son existence. OK. Ça fait combien de temps? Ça fait... L'errance canadienne, c'est KRL, 28 ans? 35 ans. 45 ans. Ça fait 45 ans? Mentard. Excuse-moi, là, devant le public, on est quoi, 200 millions, hein, vous écoutez, là? Ben oui, parce que là, je parle pas, attention, baisse le truc. Je parle pas uniquement, là, des terriens. Le son, si vous ne saviez pas, là, Madame Suzanne Sebraska, Suzanne Sebraska, c'est notre stagiaire. Elle n'a que 17 ans, mais connaît très bien l'audition. Oui, parce que lorsqu'elle a éternué, hein, tout le monde l'a entendu, sauf elle, parce qu'elle m'a dit qu'elle était branchée dans son entité personnelle. Là, je dis, voyons, donc, c'est quoi encore l'entité personnelle? C'est des cours universitaires, collégiales, mentales, tribales. Elle m'a dit, c'était tribal. Vous êtes tribal, madame? Bon, mademoiselle, pas madame. Encore là, madame, on ne peut pas dire mademoiselle. Puisque... Non, non, il faut quand même le mentionner ce soir, puis c'est le temps, là. Nous sommes le 18 octobre. Quand tu dis à quelqu'un, mademoiselle, même si elle a 14, 15, 16 ans, selon l'étiquette. L'étiquette, ben oui. Tu sais, derrière mon gaminet, mon t-shirt, j'ai l'étiquette. Oui, OK, à l'eau froide et puis laver à blanc. C'est ça, tirer à blanc, lever à froid. Et puis l'étiquette me dit que c'est le temps, OK, c'est le temps de la lire, l'étiquette. Oh! Et puis, c'est étiquette. Allô, monsieur, vous êtes encore là? Ils sont résistants, les rénaldiens. Non, attendez, là. Depuis 35 ans, madame, on va revenir à vous, là. La stagiaire, elle veut plus. Hein? Tu t'en vas pas? Hey, t'as signé un compte. Non, non, non, mon ami, t'as signé un compte. Je suis le compte. Ah, le con! C'est moi le con! OK. Oui, mais le contrat, la feuille, la petite feuille, là, signé, vous avez signé votre autographe. En lettre cursive. Cursive! Ça, c'est pas attaché. Cursive. Carré. C'est carré, drette, droit, maintenant. Maintenant, c'est moi, c'est nous, c'est vous. Vous, c'est sexy sushi! Ouais. Oh, moi non plus. Moi, les sushis, là, je suis pas très poisson, moi. J'en côtoie régulièrement des poissons. Ah, c'est... Là, Tu veux leur dire... Excuse-moi, là. Est-ce qu'on peut dialoguer, là? OK. Je t'ai rencontré il y a 3 semaines, hein? Bon, tu voulais aller plus loin dans notre relation. Puis je voyais que tout était parfait. Mais soudainement, lorsque j'ai fait couler un bain, t'as commencé à plonger avant moi. Ça, j'aime pas ça. Parce que. Non, oui, merci. Ça, j'aime pas ça parce que l'hygiène, madame. L'hygiène demande une chose. D'être propre. Pas d'hygiène, pas de propre, pas de propre, pas de propre, pas de propre, pas de propre, pas de propre, pas de propre, pas de propre, voyons donc dans le temps. Guétane, aide-moi. Pas de propre, poté, pas de poté. Un empoté, je suis un empoté. Oui, un, oui. Conscient, un empoté conscient, mais je suis pour la propreté dans la mesure où la règle est bien, bien, bien, bien alcoolisée pour enlever tous les microbes. Hey, en 2013, là, c'est important. C'est très important de ne jamais transmettre. Jamais transmettre! Ça peut être dangereux. On peut mourir. Ça peut être la faim. Mais la faim, en parlant de faim, là, 2 boulettes de steak haché, pas de sushi. Pas de sushi. Mais le groupe que je vais vous présenter, c'est exceptionnel. C'est une petite sauce béchamel. Mais, hein? Ah, ça adore de la poutine. La poutine, ils l'ont mangée en venant à Québec. Dans une petite cantine. Une petite cantine, à petit temps, hein? Ouais. C'est la petite cantine, la petite cantine, la petite tavern, la petite cantine. La meilleure poutine, c'est dans la petite cantine. La petite cantine, la petite cantine. C'est pas dans les gros restaurants. Là. C'est pas chez Suzanne, désespérément, recherche son poutin à poutine. Non, cherche sa sauce à poutine. Excuse-moi, ma belle, tu cherches une sauce à poutine? Oui. Parce que là, moi, la brune, je connais bien ça. La brune? Ben, la sauce brune. Oh, la sauce brune. Plus elle est brune, plus elle est poutine. Oh, et vous êtes? Ben, un poutin. Un poutin. Vous êtes un poulain? Un poulain. Non, je suis un gagné. Mais mon copain, Alain Poulain, il ne veut rien savoir de vous. Ah, non, non, lui, il court après les gens de grandes compagnies. Là. Les PDG. Moi, je lui dis, moi, PDG, ça m'intéresse pas. Moi, je veux m'adresser aux créateurs, aux artistes, aux gens qui nous font rêver. Les plus formidables. Et puis, moi, comme le disait Stromae, je suis formidable. On a bien mentionné que l'automne détonne sur les saisons. La renaissance pudique refait son apparition. Hein? Pardon? Qu'est-ce que vous faites là? C'est que. Je relis dans le ton... Non, excusez-moi. C'est que je lis un texte qui est un texte à la poésie qui a été dit en répétition. Capté. Par qui? Capté. Par les amis de France-Antoine, de Québec 26 et de Montréal 73. Bingo! Je pourrais au cap. L'automne détonne sur les saisons. La résonance pudique refait son apparition. Que de maisons s'isolent, que de cœurs s'affolent, les feuilles rappellent cet été qui meurt. L'heure, les heures s'étirent. Il va sans dire que l'hiver s'adhérera au paysage québécois. Monsieur le Président, on va lui parler, Monsieur le Président. Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Ah oui, c'est vrai, c'est le poisson. Bienvenue à la douce... Ça, c'est le brochet. Le brochet, non, on a... Attendez. Écoute, spécialiste du poisson. Je suis un poissonnet. Un poissonnet? Un poissonnet. Un poissonnet. Rêveur. Voilà. Identifié. Mais si dans cette source sonore, si le son des dents nous... Ouais, y a pas de dents. Y a pas de dents, y a pas de brochet. Parce qu'un brochet condescendant, hein, non, qui monte et qui descend, porte un dentier, une prothèse dentaire amovible. Pas de prothèse, pas de brochet. Si tu fais pas mordre par un brochet, hey, moi, là, garde, j'ai mon petit chien, j'ai mon petit chat, j'ai mon petit oiseau. L'oiseau a pas de dents. Mon oiseau, c'était quoi? C'est un pigeon d'argile. Bon, hein? C'est pas un oiseau, voyons d'or. C'est vrai qu'il fait aucun besoin. Il a pas de besoin, lui. Aucun besoin. Ce qu'il veut, c'est s'envoyer en l'air et se faire tirer. Comme t'as fait. Comme t'es. Comme. Ouais. Bon. Mais on peut pas. Non, c'est la censure. Parce qu'on dit que mon émission est pas pour. C'est pour ça qu'on m'a placé à des heures. Bleu nuit. Bien, bleu nuit. Nuit. Nuit écarlate. Nuit qui se dilate vers des rêveries ensemencées d'amour. Que d'espoir avons-nous joué en un seul dé, un seul dé de cerise, trois mâchoires pour graviter là-dessus, s'il vous plaît. Trois pieds de haut, trois pieds d'espoir, puis trois pieds de foie gras. Hein? Ça donne mal au dossier. Ah, oh, avez-vous mal encore au dossier, madame Amando? Bienvenue à la douce réalité, à l'histoire finement improvisée, avec votre magicien du surréalisme, Rénal de Lenéant Gagné. Excusez-moi, la mâchoire m'a dévissé. Peux-tu prendre le cartilage et l'envoyer vers le bas? L'absurde, merci. L'absurde, encore plus fort. Merci. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, on a dépassé le temps, Rénal de Lenéant Gagné. Ça, on aime ça. Aujourd'hui, le vendredi 18 octobre, il y a eu un petit caillot, hein? L'avez-vous senti? Moi, ça a passé, hein? Ça a passé dans le beurre, le beurre salé. Moi, je me suis trompé. J'ai pris beurre semi-salé, c'est salaud. Ça fait glisser, ça fait tomber, ça fait mal. Puis il y a le beurre non salé, ben là, c'est pour les enfants, là. Parce que les enfants aiment ça, le beurre non salé. Ça fait pas mal à la gorge. Non. Ce qu'il faut pour un bon steak, là, c'est une grosse motte de beurre salé, là. Faut que ça fait quand tu la places dans la poêle. Quand ton steak tombe dans ce plat, faut qu'il crépite. Oh là, t'es là, heureux. Là, tu prends le poêle, là, tu dis, on y va, t'en mets du poêle. Là. T'en mets du sel. Tu mets des petits condiments de steak. Après ça, tu le revires. Là, je sais, il y a des steakhouse, des stockés. Puis ils vont me dire, hey, mon petit champion. Faut que tu fasses cuire la première surface, tu le retournes, après tu rajoutes tes ingrédients. Je fais pas ça, moi! Je veux entendre tout le sel de poêle puis l'ingrédient à steak souffrir sous la chaleur. Là, je le revire après, je le mets dans mon assiette. Je fais glisser la petite sauce qui a été investiatrice du mec que je mangerai. Je te mangerai. Aujourd'hui, on est loin du sushi, là. Hein? Aujourd'hui, vendredi 18 octobre 2013, l'errance, le micro, l'errance, ça, c'est, tout est en train de nous lâcher, sauf l'errance. Aujourd'hui, le vendredi 18 octobre, tu l'as dit, mais on va le redire. Une dernière fois pour les gens qui étaient. Vous écoutez. La suite. On le L'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du groupe Sexy Sushi. Sexy Sushi est un groupe de musique français électro-clash. Mais plus tard, ils diront que non. Composé par Rebecca Wire, de son vrai nom, Julia Lanoé. Mitch Lever, de son vrai nom, David Grelier. Rebecca Warrior et Mitch Silver se rencontrent à Nantes en 2001. C'est pas vrai, il paraît. Ils vont nous le dire. Pour leur premier concert, ils achètent des perruques et portent des lunettes à verre fumé. Ils les ont fait fumer ces verres-là. Ah ouais, fume! Fume! Fume! Ils sont morts d'une maladie pneumonaire. Qui? Pneumonaire. Ah oui, il est beau, hein? Pneumonaire, je l'ai rencontré, moi, puis. Mais il était à Québec. Puis, pneumonaire, il m'a dédoublé. Et puis, ben, moi, il n'était pas capable d'aller plus vite que lui. Pourquoi? Ben, c'est intelligent. OK. C'est un Québécois ordinaire. Okay. Ordinaire. Les gens vont dire, tu réduis le Québécois. Mais non. Il sait se réduire lui-même. Regardez les informations, les journaux. Le joual du Pépec. Avec les rangs de portes grecques. Alors, leur musique qualifiée d'électro-trash et d'électro-punk évoque avant tout des thèmes sexuels, mais aussi politico-sociaux, portés par des textes crus, proche d'une certaine forme d'anarchisme et de dadaïsme. En juillet 2013, Errance Rénaldienne se trouvait exceptionnellement au restaurant Galerie du Cercle à Québec. Merci à eux. Ils ont été exceptionnels. La jeune fille à la réception, je la remercie aussi. T'as dit quoi? Je l'embrasse. Mais elle ne veut rien savoir. Bravo pour elle. Un voyage chargé pour cette nuit printanière. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui! C'est mon cassin, un grain de beauté. À tout. Là, je voulais pas que ça colle ici. Je voulais pas que ça colle comme ça. C'est génial. La petite prière de la bière. C'est génial. Prière de la bière. Très bien. Ah, c'est trop bien. Il est dans le fichier. Mais je peux la lire, bière. Hein. Que t'as dit ce mot sur la fête, sur la table comme au bar. Nous aujourd'hui notre houblon quotidien, pardonne-nous nos gueules de bois comme nous pardonnons aussi à ceux qui boivent du coca. Et soumets-nous à la tentation en nous délivrant de la soif, car c'est toi qui appartiennent les bulles, l'arôme et la fraîcheur pour les siècles des siècles. Amen. Et voilà, et voilà, ça fait plaisir, Merci. Alors, je vais mettre ça, je posterai demain. On devait se rencontrer, salut. C'est que sushi, bonsoir. Salut. Bonjour. On devait se rencontrer l'année dernière, vous étiez à Moscou. En tournée. Ah, t'étais là-bas aussi? Non, moi j'étais à Paris, moi je suis toujours à Paris. C'était l'année dernière à Moscou ou c'était deux ans? Oh, il y a deux ans. Oui, c'est ça, exactement. Et l'année dernière, j'ai pas pu, vous étiez en tournée aussi, donc vous êtes un groupe extrêmement occupé. Non, l'année dernière, on était en repos. On était dans nos classes. Vous étiez non disponible, en tout cas à Paris. C'est ça. Non disponible, mais en classe verte. Ok, donc. On était en échange. Avec nos petits correspondants. En échange. C'est-à-dire. Bah disons que toi t'es parti loin toi. Moi je suis partie en Asie, dans un monastère bouddhiste. Ok, ouais. On est parti se ressourcer quoi pendant un an. Puis toi t'es parti en Chine. Ouais, je suis parti en Chine aussi. Pareil, te ressourcer quoi. Mais quand vous on dit que vous faites de l'électro-clash. Non, on dit pas ça. Non. Qui dit ça? C'est Céline Dion qui dit ça. Pardon? C'est Céline Dion qui dit ça. Non, Céline Dion, c'est demain, c'est une autre histoire. J'avais le choix entre quand même. Mais c'est elle qui dit qu'on fait de l'électro-clash. Ah non, pas du tout. Non, c'est sur un site internet. Sur Wikipédia. Ouais. Mais bon, Wikipédia, tu sais, c'est. Mais pourquoi vous remettez pas ça à jour? Parce que vous pouvez supprimer des. Mais de nous-mêmes, on peut pas. Non, je crois qu'ils nous pissent. S'inscrire. Ils savent que c'est nous. Et ils peuvent pas. Non, puis surtout, pas modifier toi-même. Il faut s'inscrire. Et puis moi, j'ai pas du tout envie de m'inscrire dans, dans Wikipédia. C'est un peu une communauté. C'est un peu que des conneries là-dedans, non? Ok. Bah, des fois, il y a du vrai et du faux. Ouais, c'est un mélange. C'est un savoureux mélange de merde. Mais nous, disons en tout cas, toi, c'est Mitch et toi, c'est Rebecca. C'est l'inverse. Ouais. Ah oui, ben ça dépend des soirs. Ouais. Okay. Moi, c'est Mitch. OK, ce soir, c'est toi, Mitch. Ouais, OK, c'est moi, voilà. Et c'est moi, toi, l'homme. Rebecca. OK. Mais ça, on est prêt à tout. Donc, quand on va voir un show de Sexy Sushi, il faut être... Ouvert à tout. Il faut être ouvert. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ben non, nous non plus d'ailleurs. Et ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu d'improvisation. Oui, c'est beaucoup de l'improvisation. Ouais. C'est beaucoup le public aussi qui fait le concert. Hein. Ouais. Ouais. Mais au tout début, le groupe est né à Nantes en 2001. À peu près. 2001. Ouais. Écoute, on ne sait pas trop. C'est, je pense qu'on est aux alentours d'avoir 10 ans, je crois. Ouais, on a bientôt 10 ans. Ok, ouais. Puis vous êtes on a fait des pauses, on s'est cryogénisé. Ouais, ok. Ouais, mais vous êtes rencontrés là-bas. Pourquoi à Nantes? Parce que vous étiez de là-bas? Ouais, on faisait nos études là-bas. Ok. Toi, tu étais étudiante, hein? En carrosserie auto. Ok, ok. Et moi, j'étais comptable. Oh, alors c'est lui qui gère le budget et c'est toi qui répare la bagnole. C'est moi qui répare la bagnole, ouais. Okay. Ouais, je suis très très bagnole, ouais. Oh, t'es très bagnole. Ouais. Okay. Oui, alors ça se sent dans les textes, non? Oh oui, oui, on sent la carrosserie. Princesse voiture, tu sais, ouais, c'est beaucoup de références à l'automobile. Ouais. Pourquoi? Bah, c'est de là d'où on vient, quoi. Je fais pas la différence entre une Ferrari et une... Une coccinelle. Ah ben ok, ouais. C'est le prix entre autres là, parce que sans doute. Il y a une différence quand tu dois ouvrir le chéquier pour. Mais le groupe, après ça tranquillement, a fait beaucoup de spectacles avant de faire un disque. Donc vous êtes reconnu et connu sur scène. On a commencé à faire des concerts avant de faire un disque. Oui. Plusieurs concerts. Mais en fait on faisait des disques, mais ils n'étaient pas diffusés, on les gravait chez nous. Ah, ouais, c'est ça. Sol, et on les donnait, on les vendait. On les mettait sur Imu là. Anciennement Emule, je sais pas si ça existe encore. Non, je crois pas. Bien. Mais on les gravait et puis on les envoyait, on les vendait par correspondance. Okay. Et c'était plus des compiles. C'est des gravés, les compiles. Plus que des albums. On changeait, en fait, c'était personnalisé pour chaque client, quoi. Les gens avaient vraiment pas jamais le même disque. Hein. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup ça avant de faire un vrai disque. Mais le public de l'époque, c'était quelle sorte de... Ah, on sait de pas, personnes. Des drogués, des... Okay. Tout ce qui passait par là, tout quoi. À Paris, c'est d'ailleurs tout à Nantes. Hein. Est-ce que c'était plus à Nantes ou ouais. Bah en France, même à l'étranger un peu. Ouais, non, ça mais a toujours été. On a fait pas mal de dates en France dès le départ. Hein. Ok. Ouais. On jouait beaucoup, mais on annulait beaucoup aussi. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans la salle ou. Ah non. Vous n'étiez pas apte à faire un spectacle. On n'était pas apte. Ouais. Ok. On a annulé au dernier moment, on était spécialistes. Alors le public était déjà dans la salle. Nous, on n'arrivait pas. Puis il n'y avait pas d'émeute. Vous êtes les Guns N' Roses de la musique ils annulaient beaucoup underground. Aussi, ben, oui. Ah ouais. Oui, ça fait une émeute à Montréal. Ah, génial. Génial, oui, c'est ça. Les voitures tournaient virées à l'envers. Oui. C'était pas à Montréal, mais il y a peut-être eu une émeute à Cholet une fois. Okay. Comme ça, quoi. Ah oui, les gens étaient frustrés. Non, je me rappelle, vin et bière. Vin et bière, ça s'est on fini a joué en bagarre. Dans un truc de non, stockage de vin et de spiritueux. Et, okay. Le gars nous avait pas payé à la fin et du coup on se balançait les bouteilles. Avant le spectacle ça. Après le spectacle, il voulait pas nous payer. On jouait parmi les bouteilles et c'était super parce qu'on était rincés quoi à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Sauf que à la fin ça a mal fini et tu balançais les bières contre. Mais en fait tu sais c'était cette espèce de mode là, ils avaient inventé des bouteilles de bière qui se cassaient pas. Oui. Donc je les lançais et elles me rebondissaient dans la gueule. Comme les chaises. Donc on a fait aucun dégât. Ouais, en fait on fait jamais de dégâts, on se dégomme nous-mêmes. Hein. Non, mais pas bien, vos caisses de bière qui peuvent se casser, donc ça pourrait faire quelque chose d'assez... Mais tout est sécure, maintenant. Ben oui. Il n'y a plus le droit de fumer, il n'y a plus le droit, rien ne se casse. Rien ne se casse, tout se transforme. Hein. Oui, ben oui, c'est le recyclage, hein, donc tout est... c'est selon sa norme. En 2013, on vit ça, donc on ne change pas, on vit dans le même... Mais comment Sexy Sushi a progressé au fur des années? Progresser dans quel sens, tu veux dire? Bah, au niveau musical, au niveau aussi des albums, comment ça s'est fait? Maintenant, on fait plus des albums. Ouais, c'est ça. Qu'avant, on faisait des compiles. Ouais, c'est ça. On a régressé, quoi. On est passé du best-of à l'album, donc on est en régression. Mais comment faire un best-of avant de faire des chansons connues? Bah, Vous êtes créé des succès. Puis... On s'est créé des succès, on s'est convaincus. Okay. Vous étiez votre public avant tout. Ouais. Mais c'est toujours le cas. On s'est toujours beaucoup aimé. On écoutait essentiellement notre propre musique. Ok. Ok. Alors, vous êtes des amoureux de vous-même. Ah, ça, oui. Très égocentrique. Okay. Et c'est comme ça que le groupe évolue. C'est comme ça, ouais. Dans l'amour. Hein. Et le public, ouais, de votre propre amour. Dans notre propre amour. On s'aime tellement qu'on a fait deux disques pareils. Ouais. Mais on les a signés chacun de notre propre main sur le dernier disque. On voulait pas... Deux solos. Non, c'est les mêmes disques, sauf qu'il y en a un, c'est ma version, et elle, c'est sa version, quoi. Mais c'est pas la même chose. Bah, un peu de choses près. Les paroles, oui, mais peut-être pas. Ah non, les paroles, il y a quelques mots qui diffèrent, il y a quelques instruments qui diffèrent, les morceaux sont plus ou moins longs, mais... Mais bon, ouais, on a fait deux disques pour cet album. Ouais, c'est celle qu'on peut voir sur Internet actuellement, ouais. Là. Ok. Un chien qui aboie dans la nuit, incantation, sacrifice et magie, un mariage comme un enterrement dans une mosquée sans musulmans, la lessive faite à la semaine sainte, le linge couvert d'une drôle de teinte, on se badigeonne de sang à la Saint-Bertrand. Comme le mentionnait Jim Morrison, merci. Errance Rinaldian, je connaissais, moi, les amis chiens. Chiens chatons. Non, moi, c'est des petits chiens. Ben, c'est des chatons. Ben, voyons. C'est des chiots. Comme le mentionnait Jim Morrison, qui n'était pas un chiot ni un chieux. C'est un poète. Les poètes ont toujours. Comment c'est? Les poètes ont toujours raison. Voilà. C'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie, et je répète, parce que le texte a été malheureusement intercepté par d'autres compréhensions ou complexités narratives. Comme le mentionnait, je le dis, comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rinaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Et là, on va entrer. Il faut frapper. Monsieur Buck? Monsieur Buck? Pouvons-nous nous lancer nous-mêmes? Merci. L'autre soir, je me suis retrouvé dans un concert. D'habitude, je déteste ça. Mais là, au Cercle, à Québec, à ce moment-là, j'ai vu une fille qui venait de fumer. Et pendant le spectacle, c'est volatilisé. En fait, c'est pas elle qui s'est volatilisée. C'est son vêtement. Sa poitrine était présente devant mes yeux. Elle avait mis deux rubans adhésifs sur les mamelons. Viens me servir la boîte. Elle était là, mais derrière le petit collant. Le petit collant noir. D'électricité. Là, je me suis dit que si on met d'électricité, hein, un collant d'électricité, c'est qu'elle est flamboyante. Elle amène la capacité à produire du feu à travers c'est mon opinion et je la respecte, Mme Thibodeau. Ben oui, mais t'as le droit de respecter. Il n'y a personne qui le fait. Il n'y a personne qui me respecte. Pas vraiment. Il y a Tiki Baudouin. Oui, qu'est-ce qu'il y a eu, lui? Ben, il l'a rencontré. Pas la fille. Oui, la réglementation était ouverte, puis c'était open dance, open French, open bar. OK. Hey, Rebecca était là. What is it all? I wait, tout le monde applaudissait à l'envers, puis les gens crachaient leur connaissance générale. La culture, reconnaissant la culture. Et c'était incroyable. L'anarchie au Cercle était présente. J'étais heureux. Je me suis dit, enfin, il y a un défoulement qui s'installe. Mais là, qui s'installe. Il y avait deux musiciens, la chanteuse, le musicien, puis il y avait Abdullah the Butcher, le poilu. Là, je dis, il y avait moins de poils quand je l'ai rencontré. Puis là, avec des tattoos, c'était plus gros. La lumière est flamboyante. Là, ils m'ont dit, monte sur le stage, man! Je sais pas moi. Moi, c'est Rénal. C'est pas monte sur le stage, man. C'est le gars en arrière de moi. Le gars en arrière de moi me pousse sur la scène. Quand je me sens sur une scène, mais quand je me retrouve sur une scène avec un micro, il n'y a que l'œuvre de Jacques Brel qui m'arrive à la bouche. Et là, il dit, non mais quitte pas. Là, le public tirait des pruneaux. Tu peux s'en aller, oui, je vais m'en aller. Ben ouais, va-t'en, pouilleux, va-t'en. J'ai eu un succès bœuf. De la fille, puis la version du gars, ou si c'est l'inverse ce soir. Ouais. Je sais pas si c'était le gars ou la fille, mais en tout cas, on en peut tout cas, voir y les y deux a versions. Ouais. Ok. Et laquelle est-ce que l'autre apprécie l'autre? Donc, toi, non, est-ce que... mais on l'a pas écouté. On l'a pas écouté. Bah non, moi j'écoute que ma version. Ok, ok. Aussi, donc, ouais. Vous êtes seul dans ouais. votre coin. Ouais, et, ouais. Mais sur scène, est-ce que vous faites la version de l'un et de l'autre? Il fait sa version, puis moi je fais la mienne. C'est ça. Ok. Mmh. Donc, ouais. Les gens vont assister à deux mêmes chansons, mais interprétées différemment. Ouais, mais en léger décalage. En léger décalage. Ok, ouais, ben oui, en plus. Je suis toujours. Mais moi j'appelle ça des décalages de bière aussi. Ça dépend des. Des fois, quand on arrive dans un pays. On se fait inviter, donc on est toujours en train de... On est en décalage de bière. Hein? Oui, de bière, oui, en décalage de bière. Mais aujourd'hui, Sexy Sushi, c'est quand même... est devenu un nom, est devenu quelque chose d'assez important dans la scène artistique underground. L'avez-vous, est-ce que vous savez ou si vous roulez comme ça sans trop vous soucier de ce qui se passe ou, Nous, on roule en Viano. Ok, oui, c'est ça. On roule en utilitaire confortable. Ouais, oui, ok. Essentiellement. Mais... On écoute... Mais est-ce que vous sentez l'engouement ou au contraire, vous en foutez éperdument? Bah, moi, je pense que ça fait... depuis qu'on a commencé, je pense qu'on est sur le déclin. Donc, à chaque fois, on a très peur qu'il n'y ait personne. On croit toujours que la salle va être vide. D'ailleurs, ce soir, je pense que la salle va être vide encore. Okay. Mais vous avez pas vu les gens sur Facebook qui allaient être là, non? Hein? Si. Mais ils pensent de venir voir Céline Dion aussi. Non, Céline Dion, c'est demain, puis c'est sur les plaines. Non, mais nous, on a fait une fausse annonce sur notre Facebook pour que les gens viennent. On a dit qu'il y avait une première partie ce soir. Ah, ok. Parce qu'on avait peur de ne pas avoir de public, donc on a mis le paquet. Fait que là, vous attendez l'hélico de Céline, puis elle va faire son vérification, elle va vérifier son son. Elle va venir faire ses balances. Ben oui, elle était déjà arrivée. Ah, peut-être, on va voir si René n'est pas dans le coin. Ah, c'est vrai, ça, on croit. On va attendre les billets de dollars quand même. Ah ouais, tu crois? Ben oui, non, je suis certain. Nous, on va encore se faire avoir, on n'a pas signé de contrat, on va encore pas toucher un seul dollar. Mais êtes-vous un groupe... Êtes-vous gay? Non, ça on s'en balance éperdument, surtout dans la musique. Êtes-vous seul dans vos têtes? Détrompe-toi. Non, mais vous n'êtes pas seul, si on écoute la musique, vous êtes plusieurs. Êtes-vous déprimé? Ouais, êtes-vous déprimé? Non? Ah ouais. Ah ouais? Ouais. Aujourd'hui? Bah ouais. Aujourd'hui, oui, parce que hier, on... Oui. Bah ouais, on est en décalage horaire. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? On est en décalage. En plus, on prend un mort. Vous êtes arrivé hier. On prend pas mal de mélatonine. Parce que... Tu connais? C'est non, pour dormir. Ça nous plaît bien, c'est notre nouvelle, notre nouvelle passion. Et vous prenez ça avant de faire le spectacle? Non, on prend tout le temps, quoi. Ouais, en permanence. Ok. On en prend une qui est surdosée, qui est à vendre chez vous, qu'on n'a pas nous. Qu'on n'a pas en France. C'est du 10 mg. Hein. 10. Ah, ça existe aussi. Ouais. Ok. Et du coup, ça fait... Ça fait l'effet d'une bombe. Ouais. C'est super. Hein. Et puis ça endort. On fait que de dormir. Ça te met en voyageance. Ok. Puis là, actuellement, vous êtes... on est en voyageance. La perpétuelle. On va dormir toute la soirée, je pense. Ou un cauchemar. Peut-être la musique va vous réveiller. Moi, j'ai fait des rêves de dingo cette nuit. En fait, ça te fait faire des rêves de dingo. Oui, j'ai rêvé de Père Boule. En fait, on s'arrêtait dans une cantine sur une autoroute. Ouais. Et en fait, j'avais très, très faim. Quoi. Ok. Et du coup, moi, je voulais un hamburger parce que j'adore ça. Et toi, t'as pas pu résister. Il y avait que du pain. Tu sais, comme les pains qu'on nous file sur scène. Oui. Et du coup, t'étais en train de manger des gros pains de tout seul dans le fond de la cantine. Comme ça. C'est génial. Comme un oiseau, bref, mais un oiseau. Un gros oiseau. Avec un bec gigantesque. Et toi, moi, j'ai fait un truc dingo, quoi. J'étais à un concert de Crystal Castle. Mmh. Et en fait, c'était des petites filles qui arrivaient pour faire une chorale. Et la meuf de Crystal Castle, elle disait, ouais, maintenant, Crystal Castle, c'est une chorale. Tout était fait en chorale. Mmh. Et il y avait mon ex qui était là et je la tabassais. Ah, oh, ouais. Ok. Ouais. Donc, elle l'avait bien mérité. Okay. Elle l'avait bien mérité, ouais. Donc, c'était un rêve rougissant. Ben, un cauchemar, peut-être. Non, c'était sympa, non. Ok. Non, ouais, c'était du sang clair, quand même, pas trop. C'était du bon sang. Du bon sang. Moi, ça avait du bon sang. Ouais. Okay. Une bonne partie de fun, comme vous dites. Oui, oui. Ben, on avait bien du fun. Ouais. Ok. Mais Sexy Sushi se promène partout. Comment vous êtes accueillis dans des pays où on n'est pas francophone? Bah, à coup de. La semaine dernière, on était en Hollande. À coup de boule. Hein. Mm. Ah ouais. Bah, et vous aimez passé, ça, hein. On aime ça, ouais. Vous aimez les boss. Plus les gens comprennent pas, mieux c'est, je pense. Ok, parce que la semaine dernière, vous-même, vous comprenez rien, donc la semaine dernière, en Hollande, en fait, ouais. Les gens comprenaient rien, donc du coup, je chantais, vous comprenez rien, c'est super, hein. Okay. Je peux me permettre de chanter un peu ce que je veux, les gens sont ravis. Ouais. Mais vous dites pas de vulgarité auprès du public qui est... Bien sûr que si. Ah oui, ok. Bah ouais, c'est génial. Ok, puis s'il y a un francophone dans la salle et qui... Bah il rit avec nous, il est dans la confidence. Au contraire, il commence à traduire devant tout le monde, puis là, vous êtes dans la merde. Non, mais on irait lui casser les pattes, hein. Oui, mais c'est ça, il faut courir vite, hein, parce que... Mais à Moscou, comment les gens peuvent accueillir un groupe? À Moscou, c'est fini bien en Roland-Garros, quoi. Oh là là, il y avait bien. De la terre battue partout. Mais on avait une traductrice instantanée à Moscou. Ok. Il y avait une fille qui traduisait tout ce que je disais pendant que je chantais. Ouais. Ça devait être assez... C'était inaudible. Mmh. Ça devait être assez... C'était bien. Spécial. Bah, c'était affreux, c'était inaudible. Oh, ouais. On a adoré. Au moins, ils comprenaient. Quoi. Ouais. Alors, plus le sens n'existe pas, plus vous êtes à votre... On est très content. Ouais. Ouais. Bon, des fois, c'est quand même bien... C'est un challenge, quoi, d'aller les chercher à l'appel. Ouais. Mais on avait bien aimé jouer à Moscou, la Russie, en fait. Comme c'est... des fossoyeurs, des terres des tombes. Ouais, ouais, parce que c'est souvent, ça. Les gens sont comme des piquets, ouais, okay, okay. Comme des stèles. Ouais, ouais, ouais. Bah, nous, on est un peu des profanateurs de tombes, ouais, en fait, c'est ça, quelque ouais. part. Et puis, il y a un côté vraiment où on nous sert la soupe en concert, quand même, depuis des années, où il se passe pas grand-chose quand on va voir les groupes. Ouais, ça roule. Ils chantent leur album et puis les gens applaudissent, il y a un rappel et puis, ah, et puis tout le voilà. monde se dit au revoir. Mais vous, c'est pas ça. Bah non, bah... on s'emmerde quand c'est comme ça. Avez-vous une sorte de liste de chansons où vous pouvez changer On change souvent à chaque fois. Toutes les chansons, ouais. Ouais. Fait que ça dépend sur scène, là, vous dites laquelle, puis... Quand on arrive... On change au dernier moment, souvent. Mmh. Est-ce que vous pratiquez ou au contraire, vous lancez ça comme si c'était... Non, non, on s'entraîne jamais. Ouais. Ah, on déteste c'est spontané, on aime pas... Ouais, c'est vrai qu'on est, on refuse de travailler. Mais ce qui manque, c'est un DVD live, non? Ah, bah ça, ah, tu ouais, fais bien de soulever. Moi, je crois que j'aimerais pas parce que les gens, faut qu'ils viennent, hein, c'est comme ça. On voudrait bien faire un DVD, mais je pense que... Mais ce qui est rigolo, c'est que la salle serait vide, OK, puis vous seriez sur scène. Mais les concerts filmés, j'ai toujours trouvé ça pas bien. Parce que tu regardes ça dans ton canapé et tout. Ouais, mais c'est pas bien. Ben, ça dépend. Les copains et les copines qui sont là peuvent faire monter le spectacle. Ouais, mais... Le spectacle est... Moi, je me dis toujours que ça peut être... Ouais, vaut mieux le vivre. Ah, ouais, c'est certain, c'est certain, ouais. C'est rigolo dans le clip, là, parce que ça dure une minute, mais sinon... Ouais, ça peut être long, ouais, c'est ça. Sinon, c'est long. C'est ça, on cherche le... Puis on s'amuse bien en live, il se passe des trucs, on rencontre des gens, des vrais gens qu'on touche, qu'on embrasse et tout ça, on sympathise. La semaine dernière, il y a un type qui nous a dit qu'il avait rencontré sa femme sur un de nos concerts. Mmh. Il s'était mangé un gâteau dans la tête. Et puis elle lui avait léché le bras. Et ils ont eu des enfants, roulés des pelles. Mmh. OK. Non, mais je ne sais pas s'ils ont eu des enfants. Ah, t'as pas enfants, vu la progéniture de ce gâteau-là, non? Non. C'est une belle histoire. Une charlotruche, je sais pas. Mais vos chansons, qui écrit les deux ou toi? Moi, j'écris et... moi, je compose. Elle fait la musique. OK. La musique. Hein. Puis Mitch, il écrit et il chante. Mais qu'est-ce qui t'inspire? Ben là, c'est Rebecca, excuse-moi. Ben oui, c'est... Ouais, c'est toi. Ben, ce qui m'inspire, c'est la vie de tous les jours, quoi. Okay. Moi, j'ai pas trop de contacts, en fait. Donc, j'ai fait le groupe pour élargir mon cercle d'amis. Ok, t'es un garçon seul. Je suis un peu seul, ouais. Okay. Et du coup... À Nantes ou... Ouais, non. Bah, même maintenant, je suis à Paris, c'est okay. pas mieux, partout. Ok, ouais. Ah, t'es seul partout, toi. Ok. Bah, ouais. Mais donc, dans ta tête, tu dois être plusieurs ou... Non, même pas. Seul. Non, non, ouais, donc... Okay. La musique, pour moi, c'est... Tu vois, ça me permet de sortir, de dire des choses, quoi. Mmh. Et qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu vois bien dans les textes comment ça... C'est ça qu'il est seul, par où ça va, a besoin de rencontrer. Oui, ok. Donc, voilà quoi. C'est une communion. T'aimes bien les animaux aussi, tu parles souvent d'animaux. Ouais, les animaux, voilà, les choses que je rencontre, quoi. On a la chance de pas mal bourlinguer, donc il y a toujours des petites anecdotes. Ouais, savoureuses. Ouais, alors, donc, lesquelles, entre autres? Bah, comme la policière, par exemple. Ok, c'est ouais, que ça pue de la policière. Ouais, ouais. Bah, c'est une histoire, vraie. Ok. Donc, mais c'est pas romancé, c'est... Ah non, c'est vrai, j'étais en vacances dans le sud, hein? Avec une amie. Hein? Et puis, on s'est fait arrêter par une très belle policière. Ok. Et puis, du coup, bah, moi, en revenant, ça m'a donné l'idée d'écrire le sexapile de la policière. Est-ce qu'elle le savait qu'elle était jolie? Parce qu'il y en a qui... Ah, les flics, généralement, ils le savent pas. Ok, ok. Ouais, elle se penchait comme ça, par la fenêtre, avec ses gros seins. Ah oui. Je vais vous demander vos papiers. Ouais. Elle t'a étouffé avec ses... Non. J'arrive, mais... Non, ouais, ben oui. Mais au moins, t'aurais pu te nourrir un peu. Non. Non, mais voilà, quoi. C'est, c'est des petites histoires comme ça. Ok. Donc, c'est dans la vie de tous les jours, dans ce que tu... ce que la vie te propose. Ouais, et puis quand t'es un peu replié sur toi-même, tu penses souvent à des choses tristes, quoi. Ok. Non, t'es pas d'accord. Mais il pleut. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un moment d'émotion. Non, c'est un moment d'émotion. C'est quand c'est émotion. Oui. Mais sur scène, on sent pas l'émotion parce que... Ah. bah merde, on doit mal bosser. Non, mais on sent pas vraiment parce que c'est très festif. Ouais, non, mais pas seulement. C'est festif triste. Hein. Okay. Attention, on célèbre le chagrin quand même. Ok. tu veux que je te le donne, si tu le veux, je te le donne. Si tu veux que je me le fasse, si tu le veux, je me le fais. Si tu veux que je le devienne, si tu le veux, je le deviens. Si tu veux que je te le dise, si tu le veux, je le dirai. Si tu veux que je te le donne, si tu le veux, je te le donne. Si tu veux que je me le fasse, si tu le veux, je me le fais. Si tu veux que je le devienne, si tu le veux, je le deviens. Si tu veux que je te le dise, si tu le veux, je le dirai. Si tu veux que je te le donne, si tu le veux, je te le donne. Si tu veux que je me le fasse, si tu le veux, je me le fais. Si tu veux que je le devienne, si tu le veux, je le deviens. Si tu veux que je te le dise, si tu le veux, je le dirai. Je t'obéis, je t'obéis, je t'obéis, je t'obéirai. Je t'obéis, je t'obéis, je t'obéis, je t'obéirai. Je t'obéis, je t'obéis, je t'obéis, je t'obéirai. Je t'obéis, je t'obéis, je t'obéis, je t'obéirai. Je donnerai 10 euros, une ampoule, un gun, un mot. Je te ferai des enfants, la vaisselle, des compliments. Je deviendrai la plus belle, la plus docile, la moins rebelle. Je te dirai les mots bleus, les mots qu'on dit quand on est vieux. Tu pourras me taper, tu pourras m'humilier, me donner des coups de poing, me balancer sous un pain. Je t'obéis, je t'obéis, je t'obéis, je t'obéirai. Je t'obéis, je t'obéis, je t'obéis, je t'obéirai. Si tu veux que je te donne, si tu le veux, je te le donne. Si tu veux que je me le fasse, si tu le veux, je me le fais. Si tu veux que je le devienne, si tu le veux, je le deviens. Si tu veux que je te le dise, si tu le veux. Je te le donne, si tu veux que je me le fasse, si tu le veux, je me le fais. Si tu veux que je le devienne, si tu le veux, je le deviens. Si tu veux que je te le dise, si tu le veux, je le dirai. Si tu veux que je te le donne, si tu le veux, je te le donne. Si tu veux que je me le fasse, si tu le veux, je me le fais. Si tu veux que je le devienne, si tu le veux, je le deviens. Si tu veux que je te le dise, si tu le veux, je le dirai. Si tu veux que je te le donne, si tu le veux, je te le donne. Si tu veux que je me le fasse, si tu le veux, je me le fais. Si tu veux que je te le dise, si tu le veux, je te le dise. La déchéance aussi. Ouais, okay. C'est pas la fête. C'est le rire et les larmes. Ouais. Ah, rire aux larmes. On est là pour tous pleurer ensemble de notre propre condition. Et vous souhaitez que le public aussi pleure. Bah ouais. C'est okay. Mieux s'il peut repartir en chialant. Bah, ils pourraient amener leurs mouchoirs, écrivez, amenez vos mouchoirs. Non, non, on s'essuie sur l'épaule de son voisin. Ah, c'est bon, ok. Pour rencontrer. Ah oui, ok. Donc c'est des spectacles pour rencontrer. Ouais, c'est des spectacles... On entre seul et on sort à deux ou à trois ou à quatre. Ouais, c'est une bonne idée. Ok. Surtout, on se sent moins seul. Enfin, toi, Mitch, tu te sens moins seul. Bah ouais, depuis qu'on travaille ensemble, je me sens mieux, quoi. Ah, alors c'est grâce un peu à toi, si c'est ouvert au monde. Eh oui. Ouais. Et toi? Mais tout peut s'effondrer, hein. Ah bah oui, bah oui, il n'y a rien de solide, effectivement. Rien n'est acquis, ouais. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Voilà. Mais toi, qu'est-ce qui t'amène la mélodie? Ouais, c'est l'équipe. Qu'est-ce qui t'amène la mélodie? La mélodie, bah rien, j'ai ça dans le sang. Hein. La musique dans la peau, Cassav et Missier Bobo. Okay. C'est mon truc, quoi. Mais quand tu lis ces textes, t'arrives à quelque chose ou... Bah ouais, ça me... Ouais, t'en as acheté pas mal de textes, quand même. J'ai acheté pas mal de textes, ouais. Okay. Et ça me communique, ça me transmet. Ça te stimule? Ça me stimule. Okay, okay. Ça me donne envie de... D'aller plus loin. De faire des musiques qui sont essentiellement mélancoliques, quand même. Ok. Et donc voilà, on travaille comme ça, quoi. On est aussi... Il y a un mot que j'aime bien, moi, c'est... On est au diapason. Oh, c'est beau, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Ah oui, on va chercher la note avec le diapason. La note unique entre les deux. Le moment où tu bascules, tu vois. Ok. Et t'aimes bien basculer? Souvent, oui. Okay. Et toi, t'aimes... Ouais, moi aussi, ouais. Ok. Et sur scène, qu'est-ce qui se passe, à part l'anarchie, c'est... Bah, on peut pas tout dévoiler, ouais. Quoi. Non, mais... Il y a souvent des animaux sauvages, ouais. Des danseuses maghrébines, ouais. Des rencontres... Il y a des flammes. Ok. Et il s'est passé des cochons morts, il s'est passé Nolwenn Leroy, il s'est passé des stars... se passe tellement de choses. Mmh. Mais le public est prêt à tout ça, est prêt à, bah, à gober tout ce qui... Qu'il soit prêt ou pas, on lui impose. Hein, oh ouais, leur n'y a pas le choix, puis c'est en plus vous barrez les portes. Aussi, hein. Qui... C'est eux qui font le show aussi. Ils font le show, ouais. Ok. Et vous êtes surpris souvent du public. Ça peut. Ils peuvent et ça vous amène plus loin aussi. Vous aider à... aller plus loin. Ouais. Aller plus haut. C'est beau. C'est de nous. Ah oui, oui, mais effectivement. Ouais, parce qu'on écrit, moi j'écris pour les autres. Ouais. Ah oui, qui? On écrit pour Jean-Jacques Goldman. Garou. Johnny Hallyday, non? Natacha Saint-Pierre. Mais c'est Natacha Saint-Pierre. On va chanter une de vos chansons demain. Hein. Ouais. J'aime mon pays. Ouais, c'est ça, ouais. Je chante J'aime mon pays. Et on va sentir le vibrato de la grande chanson. J'aime mon pays. Ouais, le vibrato. Grande Céline. La grande Céline, ouais. On a écrit aussi un morceau pour Natacha Saint-Pierre. Ouais, bah de son dernier album avec Angoon. Voilà. Notre-Dame de Sainte-Thérèse. Ah, c'est bon. C'est de nous, ça aussi. Nous. Ah, vous auriez dû écrire Silence, on ne l'aurait jamais entendu. Donc, c'était quand même pas positif dans et sa nous, carrière. On pense surtout à l'argent quand on fait ça. Ah oui, ben, le blé. C'est très vénal. Ben oui, c'est ce qui mène la recherche au succès à tout prix. Succès, argent, et puis meuf et grosse cylindrée. Ben oui, effectivement. Et alcool aussi. Et mélatonine. Blam, pour dormir, sommeil. Mélatonine. C'est la mélatonine, c'est vraiment l'opposé de la coke. C'est génial. C'est super. Tout l'opposé. Ça rend les gens mous, ils dorment, et c'est parfaitement inintéressant. Mais quand vous prenez, parce que chez nous, la boisson énergisante comporte des composantes que chez vous... Ils ont autorisé. La taurine est autorisée? Ouais. Mais en plus faible dose. C'est ça. Alors il faut pisser un coup avant d'avoir une petite réaction. Là. Ouais. On reste la seule fois que j'ai pris une cuite avec ça, je m'en souviens. Une cuite avec ça? Ouais, vodka Red Bull. Ok, avec l'alcool, ouais. Ouais, c'était pas bien. Non. Je me sentais vraiment mal. Les montagnes russes? J'ai pas pu dormir pendant 2 jours. Quoi. Ah, mais c'est bon. Bah non, oh, je non, préfère dormir. Nous, on aime mieux l'inverse. Ouais, ouais je suis plus mélatonine. Vous cherchez le calme. Vous cherchez la somnolence, c'est le sommeil. Parce qu'on est suffisamment réveillé. Parce que tout est agité autour de vous, les gens. Non. Parce qu'on est dépressif, on aime bien être enfermé dans le noir et pleurer. Parce que les pleurs amènent la création. Non. Le doute. Non. Le doute. On doute beaucoup, nous. Doutez de... pas de vous, parce que vous aimez, vous êtes les meilleurs. Donc... Non, mais on doute quand même. Mais on doute en général. Toutes les questions, tu vois... Moi, j'arrête pas de douter, quoi. Ouais, on se trouve beau, puis on est là... Oh, est-ce que je suis vraiment beau? Là, c'est le miroir qui vous le dit. Ouais. C'est moi qui ai la plus belle, donc... Le miroir, il doute aussi. Tout le monde doute. Ah, tout le monde doute. Ouais. Ah. Toi-même, tu doutes, d'ailleurs, de cette interview. Pas du tout. Non. Moi, je voulais que rien n'arrive et tout arrive. Donc, je m'imagine le pire, et le pire n'arrive jamais. Donc, c'est... Non. Ça, c'est la façon de bien voir la vie, ça. Tout le monde aime les gâteaux. Ah oui, exactement. Attends-toi à rien et le rien arrive. Ça, c'est facile. C'est le but de la manœuvre. Mais comment le groupe, au nombre des... Parce que ça fait quand même presque 12 ans que vous existez. 10. Tu nous vieillis, là. Ouais. Non, mais 2001. Non. 2001, c'était les 11 septembre. Ok. Ah oui. Ah, il s'est rien passé avant. Ouais, le 11 septembre, ouais. C'était le 11 septembre. Vous étiez où, le 11 septembre? Je ramassais des pommes. Moi, je travaillais dans une boîte qui faisait de la vinasse, du vin. Bah, tu vois, moi, je faisais les vendanges, je ramassais les pommes. Non, les pommes, parce que c'était en septembre. Et j'étais pas au courant. Okay. J'ai pas eu le... Je l'ai su quatre jours après. Ah oui, okay, le décalage, en camping, avec des copains qui parlaient pas français, on n'avait pas la radio, la télé. Ok. Et 4 jours après, je suis revenue à Nantes, ou je sais pas où. Puis j'ai vu les images, j'ai fait... Il s'est passé ça pendant que je cueillais des pommes. Ouais. Ok. Mais c'est pas cette année-là qu'on a créé le groupe. C'est, c'est 2004, je crois, 2003. Cette année-là, j'ai regardé Clou-Clou dans l'avion. Ok. Claude-François était là. Dans l'avion? Non, mais ce que j'ai senti Claude François. Ouais, il était là. Très bon. Enfin, il arrive. En fait, il était ma boule. Oui. Ouais. Oui, il était pas très cool avec ses femmes. Petites amies. Hein. Il tapait ses femmes. Ouais, je pense que... Comme James Brown. Je sais pas s'il leur mettait sur la gueule, mais il avait pas l'air très très sympa. Hein. Ah ouais, on a découvert qu'il y a une chanson de Michel Sardou, dans laquelle il dit « J'aimerais violer des femmes ». Ouais, des femmes. À quelle année? Je sais pas, la chanson s'appelle... Fin 70, quoi. 76. Comment elle s'appelle la chanson, Aude? Les grandes plaines de solitude. Ouais, les grandes villes de solitude. Ouais. J'aimerais violer des femmes. Ouais, mais c'est un gars d'extrême droite. Ah bah, faut se prendre derrière. C'est extrêmement... Ah non, mais là, quand même... Ah oui, mais... Je parce que tu vois, pire que pour les le pauvre Relsan, on lui colle un procès parce qu'il dit « suce ma bite pour la Saint-Valentin », ouais. Alors que c'est quand même rigolo. Oh, ouais, c'est... Enfin, on se doute que c'est quand même pour rire. Ouais. Et Sardou, pas de problème. Dans les villes de grande solitude, moi le passant bien protégé par de mille ans de servitude et quelques clous sur la chaussée. Les villes de grande solitude, des nouvel an en nouveau-né, quand j'ai bu plus que d'habitude, me vient la fin d'un carnassier. L'envie d'éclater une banque, de me crucifier le caissier, d'emporter tout l'or qui me manque et de disparaître en fumée. Et dans les villes de grande solitude, tous les héros se sont volés aux cheminées du crépuscule et leurs torrents se sont calmés. Alors je fonce comme une bête sur le premier sens interdit. Aucun feu rouge ne m'arrête. Je me sens bien dans ma folie. J'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer. Envie de voir tout à leurs larmes et de disparaître en fumée. Et dans les villes, le vent de solitude, quand l'alcool s'est évaporé, je replonge dans la multitude qui défile au pas cadencé. J'ai peur d'avoir brisé les vitres, d'avoir réveillé les voisins, mais je suis rassuré très vite. C'est vrai que je ne casse rien. Cette chanson de Sardou. Ouais, ça serait bien. Mm. Vous faites plusieurs reprises. Bah, en fait, là, on a fait un hommage de Jean. De un hommage à Sardou. Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier. Okay. Et c'est quoi sa chanson, Jean-Paul Ier? Bah, Jean-Cul. Ah, oui, c'est Gogol, hein. Gogol Ier. Ah ouais. Ok. On a repris Jean-Cul. D'ailleurs, il viendra la chanter avec nous. Il a déjà chanté avec nous une fois. Il reviendra. Il nous a désenvoûtés d'ailleurs. Ouais. Il nous a permis de nous reconstituer. Puis vous avez l'eau bénite aussi pour le... C'était, en fait, on avait vachement de malchance à cette période. Ouais. Et, on Gogol, enchaînait la guigne, les on avait la guigne. On avait des tuiles. Ah, que des tuiles. Ah. Puis Gogol nous a attrapé la gale. Nous a fait passer ce mauvais oeil. Hein? Avec France? Non, parce que... La France Gall n'était pas là à l'époque. Elle, c'est pareil, hein, des tartes dans la gueule. Oui, mais ça, c'est, écoute, c'est son grand succès, ça. Elle, je veux plus en entendre parler. Ok, c'est ben, terminé. On l'oublie, puis même elle aussi, elle s'est oubliée, je crois. Ouais, c'est oublié. On n'entend plus parler. Si, mais quand elle ouvre sa gueule, elle dit que des conneries, donc... On aimerait mieux plus jamais l'entendre. Et Sexy Sushi, qu'est-ce que, lorsqu'on lui offre le micro, qu'est-ce que ce groupe-là veut dire? Qu'est-ce qui... Bah, on veut dire que France Gall, on aimerait que tu te taises. Okay. C'est ça mais qu'on sinon, veut dire. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de... Bah, c'est déjà un beau message. Oh, oui, mais c'est un message important, oui, que le peuple doit comprendre et saisir assez facilement. Mais sinon, quel est le message de Sexy Sushi? On n'a pas d'autre message, on n'est pas non. Un groupe à... Moi, je pense vraiment un message... D'amour. Vois, parce que... Moi, souvent, je pense à l'espace. Ok. Ouais, j'aimerais beaucoup aller dans l'espace. Ok. Mais tu sais qu'on peut le faire, hein, si on paye Ouais, mais ça coûte. Ça coûte un million de dollars. Un million de dollars. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, quoi. C'est ça qu'on veut dire aux gens, quoi. Aller dans l'espace. Aller dans l'espace. Ça coûte un million de dollars. Hein. Mm. Ok, alors donc, donner de l'argent... Non, on veut leur dire, aller dans l'espace, ça coûte un million de dollars. Mm. Ok, oui, faut qu'ils réalisent, voilà, quoi. Il faut qu'ils sachent. Ah oui. C'est quand même hyper important. Une fois qu'on le sait... Bah, c'est bien. Ok, on peut ramasser de l'argent et puis y aller. Hein. L'argent en masse. On est prévenu, quoi. Ils diront, il faudra pas venir dire qu'ils ne savaient pas. Mm. Ah voilà, ok, pour pas recevoir après ça le chèque, puis vous êtes allé dans l'espace, vous devez un million de dollars. Ouais, ouais. Par exemple. Ouais, ouais, ouais. C'est un warning. Oui, oui, c'est ça exactement, un avertissement, attention. Mais ce soir, les gens vont s'attendre à quoi? Ben, ce soir, il n'y aura personne. Non, ben moi. Il y aura toi et Céline Dion. Ouais. Ouais, Céline, ça va être un peu intimiste. Ouais. OK. Oui, c'est ça. De... Non, mais j'ai préparé des applaudissements. Hein. Avec mon magnéto, oui, vous allez sentir fous. Comme averti. Okay. Ah, vous terminez votre tournée à l'Olympia? Oui, ouais. C'est vrai ça. Thank you. Savez-vous qui a arraché des sièges à l'Olympia? Johnny. Qui ça? Non, Gilbert Bécaud. Ah, ah ben ouais, c'est lui alors. Ouais. Son nom, l'homme de 100 000 volts, est venu... L'homme de 100 000 volts. Mais... 100 000 volts, 100 000! 100 000, attends. 100 000. T'étais pas 150, assez... 150, connasse! 150, connasse! Non, mais c'est parce que... C'est Johnny, fait... c'est Johnny qui a arraché les sièges. Non, non, il n'y a rien à voir. Non, ça, au début, c'était Gilbert Bécaud. Ah ouais? Ouais, ah, parce que premier. Gilbert il jouait préparait son là-dedans, spectacle. Là. OK. Préparait son spectacle. Et il n'était pas certain de la mise en scène et de la musique. Donc, il a demandé à des gens de venir voir des étudiants le jour, parce que le spectacle avait lieu le soir. Donc là, les jeunes étaient là, puis ils ont trouvé ça exceptionnel. Ils ont pris, ils étaient quand même dans un événement d'euphorie. Ils ont pris les sièges, ils les ont arrachés, ils les ont tirés. Et depuis ce temps-là, c'est devenu l'homme de 100 000 volts. C'est génial, 100 000 volts. Ouais. Bah, non, pourtant, dans le film Clo-Clo, il montre que c'est Johnny. Alors, ouais, mais Johnny, c'est parce que il est super tout, Johnny. C'est le premier à l'avoir fait. Ouais, parce que Johnny, c'est Elvis. Hein, peut-être donc c'est arrivé aussi, mais après. Ouais, quoi. Ouais, il a peut-être tiré son dentier. C'est quoi le tube de Gilbert Bécaud? Écoute. Ah, c'est Souvenir. Ça, c'est Gilbert Bécaud? Non, ça, c'est Johnny. Souvenir. Ah non, mais Bécaud, c'est Et maintenant, que dois-je faire? Et on arrache des sièges pour maintenant. Non, non, mais... Et maintenant. Ah non, mais c'était pas cette époque-là. Oui, c'était les petits oiseaux de... ce soir, je sors de chez moi. Elle m'attendait, elle était là. Elle souriait sur le trottoir. M'ont dit qu'elle était drôle à voir. Les petits oiseaux de toutes les couleurs. Ça me donne envie d'arracher cette... Ben oui, ça, voilà, c'est ça. Et d'arracher les micros. Mais c'est ça, Beko, c'est le gars. Ben, alors, comment ça vous... qu'est-ce que ça vous fait d'aller à l'Olympia? C'est génial parce qu'il y a eu, il y a pas que Beko, il y a vraiment eu plein de restars, quoi. Oh oui, oui, effectivement. Nous, on le fait pour avoir notre nom en lettres rouges. Mm. Ok. Mais puis je pense qu'on va, au dernier moment, on annulera, en fait. Mm. Ça sera la plus grosse annulation pour notre tourneur. Mais ce serait quand même épouvantable de ne pas aller dans les loges pour voir qui était là. On ira dans les loges, on va boire un petit verre. Ok, vous allez en profiter. Après la première partie. Ouais, après la première partie. Oui, à la sauvette, vous avez le taxi. C'est pas grave, on a des sosies, donc ils font le concert avec là. C'est quoi Sosie Osbourne? C'est Sexy Sosie. Sexy Sosie, ok. C'est des vieux. Ah oui, je les ai vus. Bah, dans le clip, là, tu vois. On va les envoyer eux. Ah oui, ok, ben oui, pourquoi pas. Tu t'es en... Les années ont passé derrière les loges et on peut ressembler à ça plus tard. Bah oui, on ressemblera sans doute à ça. Croyez, est-ce que vous voyez vieux ou au contraire, vous êtes... On n'a pas besoin de se voir, on se regarde. On est déjà, déjà vieux. En fait. Ah ouais, vous vous sentez vieux, ben là c'est parce que c'est le décalage. Comme regarde, j'ai les cheveux gris. Ouais, mais c'est pas des vrais... Ah bah, c'est un vrai gris, ça? C'est un gris, mais c'est une légère couleur. C'est un gris vieillesse. Hein. Ouais, c'est pas refait par la coiffeuse, non? Peut-être. C'est refait par... J'ai failli faire une vanne, mais moi bon. Aussi. Hein, on va pas la faire. On peut pas couper au montage. Non, je crois pas. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Je vais croire ça aux gens, Et maintenant, qui calme. Et faites ça ce soir. Ouais, d'accord. Que vais-je faire? C'est délicat pour toi. Ah oui, exactement. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'était une autre chanson de Céline Dion, parce que j'ai noté là... Je connais pas Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore, mais elle a écrit quoi d'autre? Parce qu'on alors, rien écrit, dans, elle. Dans le... Non, mais elle chante quoi d'autre de connu? Moi, je vous conseille la chanson qu'elle a chantée au pape, comme vous aimez le pape, « Une colombe est partie ». Oh la vache, ça a l'air bien ça. « Une colombe est partie en voyage. Wow. » Ah ouais, elle a chanté ça. Là, j'ai un public. Et moi, j'ai une autre question, ça n'a rien à voir. Pourquoi, sur les avants des voitures, il y a une sorte de bout de plastique marron qui protège au-dessus des phares? Je sais pas. Bah, si, on voit ça partout. Ouais, il y en a plusieurs, là. Et nous, ça nous intrigue, on n'a pas ça chez nous. Je sais pas. Pour faire de la déco. Peut-être pour l'hiver. Bah ouais, mais pourquoi? Ouais. Tu vois, c'est une sorte de truc recourbé à l'avant. À l'avant sur le capot, quoi. Le capot, toute la largeur marron, du capot. Sur plein de bagnoles différentes. Hein. Ah, j'ai aucune idée. Un truc en plastique. T'as pas de voiture, peut-être? Non, j'ai pas de voiture. Ah bah, j'en avais jamais. Il est 3h du matin. Non, j'ai ma calèche. Ouais, on a plus tard de 3h. Faut que, ouais. Bah écoute, vite, il me faut de la mélatonine. Ouais, on va les reprendre. Oui, mais on va se laisser rapidement là-dessus. Sur quoi? Sur la mélatonine. Ben, sur ce thème-là. Mm-hmm. Okay. Ben, on peut faire un appel aux auditeurs? Ben oui, allez-y. Si vous savez à quoi ça sert à l'avant des voitures, le capot, la recourbure en plastique marron, vous nous envoyez un truc sur notre Facebook. Et si vous connaissez un autre titre que chante Céline Dion, à part Pour que tu m'aimes encore? Une colombe. Pareil. Et à part il y en a plein. Plamondon lui a écrit plein de chansons, mais je suis pas vraiment dans le répertoire. Mais tu vois, toi, tu sais pas. Donc moi, je lance un appel. Ok, un appel à tous. Un appel à tous. Okay. Un appel à témoins. Ok, d'accord. Voilà. Alors on se lance là-dessus. On se lance. Hein. Puis vous allez reprendre des chansons de Céline Dion. Bah j'aimerais bien. Faudrait qu'on sache ce qu'elle chante, mais ouais. Bah allez voir sur Internet. Internet? Ouais. C'est un truc bizarre où il y a plein de gens qui se connectent aussi. Les bizarre. Internets? Les internets, oui, c'est ça. Mm. Ben, écoute, on se revoit sur scène à un moment donné. Tout à l'heure. Il va vous voir aussi. Public intimiste. Mm. Ouais, ben oui. Super. Peut-être même singulier. Peut-être un même. Un seul. Mm. Bon, on sait jamais. Peut-être une foule. Peut-être. Une foule, ouais. Une foule. Une foule, c'est déjà une personne, une foule. Mm. Bah, ça nous suffit, on chantera pour toi. Mm. Ah oui, ben écoute, moi je serai là. Allez, bisous. Allez, bisous. Ok, à la revoyure. Ciao. Merci. Ouais. Toi, t'es l'homme masqué du show, hein? Ah, toi, t'es l'homme masqué, hein? Abdullah. Ah oui. On avait un lutteur, nous, qui s'appelait Abdullah the Butcher, puis tu y ressembles quand t'es masqué. Abdullah the Butcher. Le boucher. Non, ouais, exactement. C'était incroyable. Dans les années 90, Abdullah the Butcher. Ça, c'est super. Ah oui, c'est bon. Ouais. Maud, ma petite Maud. J'ai rajouté du décor. Ah oui, ok. J'étais chez Yann Black hier. Ah, c'est ça. Mais c'est des... C'est fraîchement tatoué. Ah oui. Est-ce que ça fait mal, oui? Épouvantable, hein? Ah. Mais comment ça qu'ils mettent pas un plastique par-dessus? Hier, je l'avais. Je vais le remettre ce soir pour le spectacle. Ok. Ah, c'est merveilleux, ça. Ah, j'ai discussion de la fin? Oui. Ok, on y va. C'est pas la bonne feuille, c'est merveilleux. Hein? Tu vas me donner la route d'un truc. Hein? Ah non, non, ça c'est des repères. Là. Ok, première question. Des questions de la fin. Des questions de la fin, oui. Pas FIM, mais oh. Mmh, trois malheurs. Ah merde, c'est pas fini. Non, mais j'ai trois questions de la fin que j'ai oublié. Ah merde. Ah ben oui. Alors... Non, tant mieux, c'est vachement, on s'amuse bien. Allez, vas-y. Non, mais c'est pas grave. Là. On y va comme on sent. Ok, on y va. Alors, si vous étiez un liquide. De la mélatonine liquide. Ça existe, non? De l'acide sulfurique. Ok. Ok. Si vous étiez une ville. Cholet. Moi, ouais, Cholet, c'est pas mal. Cholet. C'est où Cholet? Cholet, c'est. C'est en Vendée, c'est en France. Vendée, ouais. Ah oui, Vendée, je connais. Ok. Ouais. C'est en banlieue de Vendée. Ouais, c'est vraiment une ville très petite. Combien de personnes à part vous deux? Trois. Trois, ok. Trois en plus de nous. Ok. Tout à fait. C'est quand même beaucoup. Si vous êtes, parce que vous êtes plusieurs, vous-même, oui. Donc. Si vous étiez une langue. Une langue? Ouais. De bœuf. Ah, ben là, Dreyfus l'a dit, mais c'est quand même, on le garde celui-là. Ah, une langue de pute. Une langue de pute, oui. Ok. Si, mais il y en a pas mal. En plus, on est dans le quartier ici des putes. Hein. C'est vrai? Mm. Ah, ici, puis à Limoges. Un beau quartier. Ouais, un beau quartier. Bonne oui. soirée. C'est le Pigalle à peu près. Si vous étiez une époque. Maintenant. 2013. C'est bien. On est en 2013, hein? Mm, ouais. 2001, Odyssée de l'espace. Ok. Avec ou sans Kubrick? Avec dans le film. Oui. Oh, oui, mais écoute, le génie, hein. C'est comme Hitchcock, il est toujours dans ses films. Admettons. Si vous étiez un mot... Danger. Un mot. C'est dur. Tu veux que je te donne un mot? Tu peux prendre des photos. Poutine. Poutine. Ok. Ouais. La meilleure, c'est chez Ashton, en passant. C'est, ah c'est celle qu'on a mangée ce midi. C'est sur l'autoroute. Ah, ok, ouais, l'autoroute, ouais, peut-être. Délicieux. Si vous étiez un aliment. Un aliment, bah, t'as dit poutine, dommage. Tu peux plus le redire maintenant. Non, j'ai usé mon quota. Un aliment. Non, je ne serais pas ça, non. Suivante. Non. Rien. Non. Pas d'aliment. Pas d'aliment. Okay. Saucisse. Saucisse mmh. Ok. Si tu étais une saison. Mais quelle sorte de saucisse? La saucisse... Épicée, douce... Plutôt, ouais. Plutôt douce ou épicée? Plutôt épicée, plutôt merguez. Merguez, ok. Si tu étais une saison. Une saison? Ouais. Moi, j'adore l'hiver. Saisons, hein. L'hiver. Au l'hiver. Québec ou l'hiver à Paris? N'importe où. Ok. L'hiver. Moi, les quatre saisons. Il pleut, comme Vivaldi. Vivaldi, ouais. Mmh, ah ouais, oui. Tout de suite. Ça. Moi, j'aime bien quand il pleut. Ah oui? Ouais. Ben Nantes, il pleut souvent. Barbara le chanteur. C'est peut-être pour ça. Hein. Mmh, il pleut sur Nantes. Si vous étiez un membre corporel. Un membre corporel? Ouais. L'avant-bras de Père Boule. Ah oui, okay. C'est un beau membre. Parce qu'il souffre. Ben oui, il souffle le martyr. Ouais. Moi, je serais quoi? Je serais une dent. Une dent? Mmh. Ok. Arraché ou... Un membre du non, une secte. Dent de... Une dent de quelqu'un, quoi. Ah, je pensais une dent de lait. Ah non, pas une dent de okay. lait. Une dent d'adulte. Une dent d'adulte. Une dent de la mer. Une dent de la pour mer, pas se faire arrêter. Ouais, une dent de la mer, oui, ok. Si tu étais un moment de la journée. Plutôt le matin, moi. Je suis vachement du matin. Ok. Ouais. Et tu te couches le matin? Je Non, je me couche bientôt le soir. Ok, ouais. En plein spectacle. Vous avez un lit ici là. Ouais. C'est ça. Ok. Moi, plutôt la nuit, moi. J'aime bien la nuit. Ah. Je viens quand il fait tout nu, tout noir. Et tout nu. Et tout nu. Tout nu, tout noir. Si tu étais un autre individu... Je serais Mitch. Je serais Rebecca. Oh, c'est beau. C'est beau. Mais là, vous êtes donc Rebecca et Mitch, donc vous êtes l'inverse. On serait encore inversé. C'est ça. Non, ça, je le fais pas. Voilà. À choisir. Vas-y, dis-le. Pourquoi? Non, mais parce que ça fonctionne pas. Ah oui? Non. C'était ma question 2011, ça n'a jamais fonctionné. À choisir, feriez-vous le même chemin? Oui, exactement. Ouais. Que le bonheur est éternel, comme dirait Cali. Oui, c'est vrai. C'est quoi le bonheur, hein? Non, c'est où le bonheur? C'est où le bonheur? C'est où le bonheur? Alors, y a-t-il une vie après la création? Non, mais après la mort, oui. Après la mort, oui? Non. Non? Il n'y a pas de vie après la création ni après la mort? Non. Il n'y a rien du tout, il y a un grand trou noir. Ok. Et toi, c'est quoi la vie après la mort? Moi, je vais me réincarner. En quoi? En ongle? En saucisse merguez. En saucisse merguez, oui. En poutine. En poutine? Ah, oui. Extra quoi? Extra rien? Extra sensoriel. Extra sensoriel. Une poutine extra sensoriel. Ah, c'est bien. Alors, sans même la demander, elle viendra. C'est cela. Ah, c'est bien. Alors, merci. Et on prend la photo. Allez, on prend la photo. On prend la photo avec le mec aussi, là. Attends, ok, c'est bon. Bravo. Excellent. Et là, avec moi aussi, malheureusement. Il faut que je sois dans le truc, c'est ça qui... Ah, ok, merci. Viens donc au milieu, là. Et maintenant... Oups. Que vais-je faire? On est parfait? Ah ben écoute, on est toujours parfait. Oh, avec le micro, on voit le réalisateur qui... Il a réalisé plusieurs épisodes de Julie Lescaut. Mm. Ah oui, ok, je pensais que c'était le Hitchcock 2013. Plusieurs épisodes de Julie Lescaut, c'est très bien. Excellent. Alors merci bien. Ce mec est un grand réal de Julie Lescaut. C'est un génie de l'image. Ben, j'en doutais pas, avec l'angle, là, c'était quand même servi. Il n'a pas le dérangé. Ben, merci beaucoup de votre temps. Merci à toi. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti toutes ces nuits? Pourquoi, pour qui? Ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? De quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, la terre sans toi, c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien, ni même Paris, Paris, Paris. Crève l'ennui, toutes les rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis, un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de plaintes au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losing, 'cause we are the champions of the world. My friends, and we'll keep on fighting till the end. Oh, we are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Vous pouvez écrire à votre animateur Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com. Ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldière. Chers amis, si... Si je vous... Si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris... Vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.